آله ومن تبعنا بإحسان إلى يوم الدين. واعلموا أن للصيام أدابا كثيرة. مبشير دي رحمه الله تعالى sachez que pour le jeûne il y a beaucoup de comportements à avoir et que ce jeûne-là ne peut être parfait et complet que si ces comportements sont appliqués, aussi bien les obligatoires que les surérogatoires. Il est connu que si tu veux faire un ibadah, Allah subhanahu wa ta'ala, il faut que cette ibadah, elle soit, tu fais ton possible pour la donner, pour qu'elle soit complète, parfaite. Hein? Quand tu vas fabriquer quelque chose, par exemple quelqu'un qui construit une voiture, il ne donnera pas cette voiture tant qu'il ne l'aura pas peaufinée dans tous ses aspects. Et le musulman, c'est une habitude qu'il doit prendre. S'il le fait en plus dans ses ibadat, cela va ressortir sur ses affaires de la dunya. Quelqu'un qui a l'habitude de parfaire ses adorations, il aura l'habitude après de parfaire ses choses dans la dunya. Il ne va pas faire les choses n'importe comment, il ne va pas se précipiter. Quand il va faire un travail, il va le faire d'une manière parfaite. Kadhalik l'ibadat. Car n'oublie pas une chose, quelqu'un qui a la foi faible, pendant ses adorations, il est concentré sur les choses de la dunya. Maintenant, et c'est la chose qui est le plus touchée par ça, c'est cette ribadala, as-salat. Combien d'entre nous, nous sommes dans la salat, maintenant tarawih, et on pense à notre vie, au passé, au futur, à nos affaires de la dunya. Il faut que tu saches une chose, c'est que tes affaires de la dunya dépendent de tes ibadat. Celui qui craint Allah, tabaraka wa ta'ala, Allah Azza wa Jalla dit, lui rendra les choses faciles. Dans cette dunya. Tes affaires de la dunya, ton travail, ta vie de famille, ton commerce, tout ce qui concerne la dunya, ne dépend que de tes ibadat. Si tu fais bien tes ibadat lillahi azza wa jal, al-kitabi wa sunnah, conformément au livre d'Allah et à la sunnah du prophète sallam, tes choses de la dunya, tes affaires de la dunya auront de la réussite. Parmi ces comportements, il y a al-adab al-wajiba, les comportements obligatoires, wal-mustahabba, et les comportements qui sont surérogatoire, qu'il est préférable de faire. Mais comme on a dit, chacun d'entre nous cherchera à faire sa ibadah d'une manière parfaite, à rendre ce jeûne de mois de Ramadan parfait auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Plus il sera parfait, plus il sera accepté. Car personne d'entre nous ne peut dire ça y est, moi je jeûne le mois de Ramadan, mais Inch'Allah c'est bon, il est accepté. Non. As-salaf as-salih, radiallahu ta'ala anhum, six mois avant le mois de Ramadan, ils demandaient à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il les compte parmi les jeûneurs. Six mois après le mois de Ramadan, ils demandaient à Allah azza wa jalla qu'il accepte leur jeûne. Six mois après. Alors que nous, après le mois de Ramadan est fini, ça y est, on croit que c'est bon, il est accepté. Comme on croit que nos salawats, nos prières, ça y est, c'est bon, elles sont acceptées. Tu dis quand même, j'ai fait du khair quand même. Mais ça, c'est une chose. Le faire est une chose. Est-ce que c'est accepté auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala? Allahu a'lam. Ahadu min as-salaf, radiallahu anhu, il finissait la prière. Il a décrit la prière qu'il faisait, puisqu'on lui a demandé, comment tu as atteint le khushu'. Al khushu', cette concentration, cette humilité dans la prière. Il a dit, lorsque je prie, je m'imagine l'ange qui écrit les bonnes actions à droite, l'ange qui écrit les mauvaises actions à ma gauche, Malik al-Mut, l'ange de la mort au-dessus de ma tête, sur le pont, Ibn Qiyama, avec l'enfer à gauche et le paradis à ma droite. Et je finis le teslim, Assalamu alaikum wa rahmatullah, Assalamu alaikum wa rahmatullah, sans savoir si Allah a accepté ma prière. Subhanallah. الخشوع في القلب هذا هو الموحد يشيك تغفر الله ici que seul Allah tabaraka wa ta'ala acceptera l'acte ou le rejettera. Parmi les comportements obligatoires que le jeûneur doit avoir et qu'Allah tabaraka wa ta'ala lui a rendu obligatoire, min al-ibadat al-qawliya wal-fi'liya, et parmi la meilleure d'entre elles et la plus importante d'ab al-shahadatayn, as-salah, la prière, al-mafrouda, la prière obligatoire, min arkan al-islam d'ab al-shahadatayn, qui est le deuxième pilier de l'islam après les deux témoignages que nous connaissons, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Les choses étranges, comme dit Cheikh Ibn al-Hakimin, rahmallah, c'est qu'aujourd'hui, des gens jeûnent le mois de Ramadan, alors que le jeûne n'est pas facile. S'abstenir de manger et de boire durant toute une bonne journée. On voit bien les horaires aujourd'hui. Et sachez qu'il y a encore pire, comme en Suède, où en Suède, entre le Maghreb et le Isha, il n'y a qu'une demi-heure. Entre le Isha et le Fajr. Il y a une partie de la Suède qui n'a qu'une demi-heure de nuit. Mais tant qu'ils ont la nuit, ils doivent appliquer les règles de la Salat, les cinq prières, à des heures bien précises, ainsi que le jeûne. C'est-à-dire qu'il jeûne 23h30. Bien sûr, il ne reste pas debout 23h30. De là et de là. Donc sachez qu'il y a pire. Comme il dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, regarde toujours en dessous de toi. Ne regarde pas au-dessus. Ça n'a rien de regarder au-dessus. Oui, mais regarde, celui-là, il est tranquille. Il est... Non, regarde en dessous, il y a pire que toi, il y a toujours pire que toi. C'est pour ça qu'Allah, tabaraka wa ta'ala, bi hikmatihi, qala, kutiba alaykum as-siyam, kama kutiba ala alladhina min qablikum. Nous avons prescrit le jeûne, comme on a prescrit à ceux qui étaient avant vous. Vous avez cette difficulté, sachez que ceux qui étaient avant avaient cette difficulté. Parce qu'Allah, tabaraka wa ta'ala, il connaît parfaitement ses créatures. Il sait très bien que l'homme, de sa nature, lorsqu'il est dans un problème, et il voit quelqu'un d'autre dans le même problème que lui, ça le réconforte un petit peu. On ne va pas dire qu'il est content, qu'il est heureux, mais ça le réconforte. Donc, la prière. Et subhanallah, ce jeûne qui est difficile à jeûner, les gens le font, et une chose plus facile, qui est as-salat, ils ne la font pas. هذا من عمل الشيطان بلا شك. L'un des pièges du diable, c'est ça. C'est de te faire concentrer sur une chose qui est moins importante qu'une autre. Il ne croit pas que tu n'es pas touché par ça. Il se peut que tu fasses ça, tes tarawih. Dans tes tarawih, tu es plus concentré que dans tes prières obligatoires. Alors que la meilleure œuvre auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est l'obligation. Après, c'est le surérogatoire, le mustahab. Quelqu'un va faire qiyam al-layl, fil layl, il se lève, il est tout seul, il prie la nuit tout seul, il a le khushu' qu'il n'a pas la journée dans ses prières obligatoires. Hadha min amal ash-shaytan. Il est capable de te laisser tout seul, de pas te waswas, pendant le qiyam al-layl, pour t'attaquer durant les prières obligatoires. Afin que tu concentres toute ton énergie, tout ton iman dans les surérogatoires. Et les obligations ne sont pas faites, yarhamukallah, les obligations ne sont pas faites d'une manière convenable. Le diable ouvre 99 portes du bien pour te faire tomber dans une porte du mal. Sache-le. Donc il est obligatoire à chaque jeûneur d'accomplir ses prières d'une manière parfaite, bi arkaniha wa wajibatiha wa shurutiha, par ses piliers, les piliers de la prière, les obligations de la prière, ainsi que les conditions de la prière, et qu'elles soient faites dans les temps bien prescrits. et que personne n'a une excuse pour la prière. Quel que soit ton état, tu dois faire ta prière. Tu ne peux pas la faire debout, tu dois la faire assis. Tu ne peux pas la faire assis, tu dois la faire manger. La prière, à salah, elle est le deuxième pilier de l'islam. Wa qala an-nabi alayhi salatu wa salam, man tarakaha faqad kafar. والفرق بيننا وبينهم يعني المشركين تركوا الصلاة الصلاة وفصل ما دي celui qui a délaissé la prière a certes mécru. Dans un autre hadith, la différence entre eux et nous, il parlait des mushrikoun de Quraysh, c'est la prière. Ton jeûne ne passera pas yom al-qiyama si ta prière ne passe pas. Puisque le prophète a bien mentionné, alayhi salatu wassalam, la première chose, yom al-qiyama, si elle passe, tout le reste y passe, si elle passe pas, rien ne passe. As-salah. La prière. Si yom al-qiyama, ta prière ne passe pas, ton jeûne, il ne passe pas. Si ta prière elle passe, inshallah, ton jeûne, il passe. Te concentrer sur le troisième, quatrième pilier de l'islam, Shahr Ramadan, Siyam, c'est bien. Mais avant, il y a... Qu'est-ce qu'il y a avant? Hein? Salat wa zakat. Puis, juste avant, As-Salah. Et combien de gens ont délaissé la prière? Ou certains, pendant le mois de Ramadan, font la prière, et avant le mois de Ramadan et après le mois de Ramadan, ne font pas la prière. Ou certains ne font pas du tout la prière, ne font que Salatul Jumu'ah, la prière du vendredi, seulement. As-Salawatul Khams, les cinq prières sont obligatoires pour tout musulman, pubère, qui remplit les conditions, il se doit de prier ces cinq prières. Parce que même si certains savants, certains ulama ramènent que le fait de délaisser sa prière, c'est un kufr, d'un kufr, c'est-à-dire un kufr qui est à la limite de sortir de l'islam et qui ne sort pas de l'islam, ne fait pas sortir la personne de l'islam, c'est pire que de boire de l'alcool, c'est pire que zina, c'est pire que de coucher une femme qui ne t'est pas permis, c'est pire que les autres grands péchés. Illa shirk billahi azza wa jal, sauf le shirk qui lui est au sommet des péchés. Et certains rattrapent leur prière le soir. Ils ne font pas la prière toute la journée, ils rattrapent toute leur prière le soir. Qala an-nabi alayhi salatu wassalam, man 'amila 'amalan laysa 'alayhi amruna fa huwa rat. Celui qui fait une chose qui n'est pas conforme à nos enseignements, elle sera rejetée. Rat. Mardoud عند الله عز وجل. Elle sera rejetée par qui? Par Allah subhanahu wa ta'ala. Est-ce que les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a rattrapé ses prières le soir? Là. Cinq prières rattrapées le soir? Ou bien rattrape d'abord l'asar le soir chez lui? Qui a fait ça parmi les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Pas un seul. Est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait ça? Non. Il a réuni Dhuhr, l'Asar ou le Marab, l'Aisha en tant que voyageur, où il l'a fait comme ça de temps, une fois comme ça, une fois, sans raison, pour certains savants, pour d'autres raisons, pour d'autres savants, ils disent qu'il avait une raison. Mais tous les jours comme ça, rattraper les prières le soir. Là, jusqu'à ce que Cheikh Al-Islam Ibn Taymiyyah, rahmatullah, il dit, tu peux prier sans prière pour rattraper tes prières que tu n'as pas fait à l'heure, qu'Allah tabaraka wa ta'ala ne les acceptera pas. Conformément à ce hadith du prophète sallam, celui qui fait une chose, man amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa rat, celui qui fait une chose qui n'est pas conforme à nos enseignements, elle sera rejetée par Allah subhanahu wa ta'ala. Parmi les comportements obligatoires du jeûneur, il y a que le jeûneur doit s'écarter de tout ce qu'Allah tabaraka wa ta'ala et son prophète alayhi salatu wa salam ont rendu haram. De tous les interdits, plus dans le mois de Ramadan qu'en dehors du mois de Ramadan. Il y a des lieux sacrés comme des temps sacrés. Celui qui commet un péché dans un temps simple, ou dans un lieu saint, son péché lui est compté. Il lui comptait un. Celui qui commet un péché dans un lieu sacré, comme à Mecca ou Médina, au Quds, ou dans une mosquée, il lui comptait un péché, mais le châtiment sera plus grand. كذلك في شهر رمضان شهر المبارك ce mois de Ramadan a été rendu sacré par Allah tabaraka wa ta'ala. Celui qui commet une ma'siya, un péché durant le mois de Ramadan, volontairement, il lui sera compté un péché, pas plus. Puisque c'est la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et Allah ne revient pas sur sa parole. Car quelqu'un qui revient sur sa parole, c'est qu'il avait oublié quelque chose ou qu'il s'était trompé. Or Allah tabaraka wa ta'ala est dénué de ses imperfections. Ni il n'oublie, ni il se trompe. Allah Azza wa Jalla ne revient jamais sur sa parole. Lorsqu'il a donné 50 prières à faire à la communauté, et le prophète, lorsqu'il est redescendu, il a vu Moussa, alayhi salatu wa salam, Moussa lui a dit, retourne auprès d'Allah Azza wa Jalla, dis-lui qu'il baisse le nombre. Puisque Moussa il a une expérience avec son peuple. Alayhi salatu wa salam. Allah Azza wa Jalla a descendu à 5, mais il a gardé la récompense de 50, car Allah Azza wa Jalla ne revient pas là-dessus. Celui qui commet un péché pendant le mois de Ramadan, il lui sera compté un, mais le châtiment risque d'être plus grand. Comme certains savants, en ce qui concerne l'ignorance, quelquefois l'ignorance est excusable, mais quelquefois elle n'est pas excusable. Quelquefois on ne peut pas dire il ne savait pas. Quelqu'un qui vit à Mecca, il y a des ulama, il y a l'adhan, il y a des doros toute la journée, subhanallah. Il y a des hadiths toute la journée, même dans la rue. Il y a du Coran dans la rue. On ne peut pas dire qu'il est ignorant, celui-là. Maintenant, quelqu'un qui vit, comme par exemple ici, où on ne voit pas les traces de dîn seulement dans les mosquées, il n'y a pas de Coran dans la rue, il n'y a pas de l'ulama, il n'y a pas le mashaïkh, il n'y a pas l'ilm qui est propagé, autant que dans les pays musulmans. Là, on peut dire que, Inch'Allah, celui-là, il est ignorant. Il ne savait pas. Il a fait la chose, mais il ne savait pas. Fichar Ramadan, subhanallah, tu sais très bien que ça m'a béni, un mois où il y a le baraka, où les shayatines les plus grands, et non pas tous, puisque certains disent, mais comment ça se fait en bail pendant le mois de Ramadan, alors que les shayatines sont enchaînés. Pourquoi est-ce qu'on dit, A'udhu billahi minashaitan rajim, alors que les shayatines sont enchaînés. Il faut savoir que ce sont les grands shayatines, les plus forts, qui sont enchaînés. Il reste les petits. Voilà pourquoi quelquefois tu as encore un peu de ressources ou tu bailles ou des choses comme ça. Il faut savoir que le baillement vient du diable. Hein? Et si tu bailles et tu ne mets pas la main devant la bouche, il rentre dans ta bouche. Dans certaines riwayats, on dit qu'il rigole. Une fois qu'il est rentré, qu'il rigole. Et que l'éternuement vient d'Allah. Donc, le musulman doit s'écarter plus dans le mois de Ramadan sur ce que Allah subhanahu wa ta'ala a rendu interdit. Parmi ces choses interdites, qui sont les choses que l'on retrouve le plus, al-kadhib. قال النبي عليه الصلاة والسلام إياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار prenez garde du mensonge, car le mensonge mène à la turpitude, et la turpitude mène à l'enfer. Al-Kadhib. Marwa al-Kadhib. Quand on te dit ça c'est interdit, il faut savoir c'est quoi cette chose. Beaucoup ils disent oui, ça c'est interdit, ça c'est interdit, ça c'est interdit. Oui, mais c'est quoi ces choses-là? Qui te dit qu'il y a une bonne compréhension du mensonge? Surtout que le mensonge aujourd'hui est devenu banal. On ment comme on sort une blague. On ment comme on rigole. On ment comme on parle. Al-Kadhib. Al-Kadhib, yukhalifu al-waqi'a. Al-Kadhib, c'est quoi? C'est que tu vas dire une chose qui contredit ce qui s'est réellement passé. Tu dis une chose et tu dis elle s'est passée comme ça alors qu'elle ne s'est pas du tout passée comme ça. Elle contredit la réalité de la chose ou de l'événement. هذا هو الكذب. والكذب يهدي إلى الفجور. Le mensonge mène à la turpitude, c'est-à-dire qu'il a de graves conséquences. Et ces conséquences qui sont les turpitudes mènent à quoi ? إلى النار. يقول النبي عليه الصلاة والسلام. Mènent à l'enfer. Une autre chose dont tu dois t'écarter durant ce mois de Ramadan, الغيبة. La médisance. Qu'est-ce que la médisance ? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été questionné sur cette question. Et il a répondu, c'est dire sur ton frère une chose qu'il n'aime pas. Beaucoup ont une mauvaise interprétation de la médisance. Ils croient que la médisance, c'est tu dis sur ton frère, tu parles comme ça sur ton frère, tu vas dire oui, mais celui-là c'est un fainéant. Et quelqu'un va te dire, Tachillah. Crains Allah, ce que tu dis c'est de la médisance. Et la personne va dire, non mais il le sait que je le dis. Ça ne change rien. Ça rentre quand même dans la médisance. La médisance c'est pas le fait qu'il le sache ou qu'il ne le sache pas. La médisance c'est le fait qu'il n'aime pas qu'on dise ça sur lui. Tu dis d'un tel, il est petit de taille. Et il n'aime pas cette parole, elle rit. C'est de la médisance. Une simple parole comme ça. Alors qu'est-ce que c'est quand tu parles d'un frère, tu dis celui-là il prend la tête, ou celui-là ou la cadre. Elle rive. Et ça tu t'en rends même pas compte. D'où le hadith du prophète, lorsqu'il a mentionné le serviteur d'Allah sort une parole où il n'a même pas fait attention à cette parole jusqu'à ce qu'elle le précipite en enfer et elle attire d'abord la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que si tu parles sur quelqu'un qu'Allah Azza wa Jalla aime et tu médis sur lui, sache que tu t'attires la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala. À ne pas confondre la médisance et la calomnie. La calomnie c'est pire parce que là non seulement tu dis, tu parles sur la personne, mais ce que tu dis c'est faux. C'est encore pire. Que la personne soit là ou ne soit pas là, c'est pire si elle est là. En ce qui concerne la médisance. Tu dis sur un tel, oui, celui-là, c'est un fainéant. S'il n'est pas là, c'est de la médisance. S'il est là, c'est de la médisance et de l'insulte. Pourquoi ? Parce que tu parles carrément sur lui, devant lui, aux gens. C'est comme de l'insulte. Tu es en train de l'insulter à Mamannas. Alors que l'honneur du musulman auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala est sacré. Al-Muslim azim indallahi azza wa jal. Voilà pourquoi Allah tabaraka wa ta'ala interdit ce genre de péché. Car il garde les droits du musulman. Le musulman est sacré auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. قال الله عز وجل ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. Ne faites pas la médisance les uns sur les autres. Est-ce que l'un d'entre vous aimerait manger la chair de son frère mort? Et certes, vous détesteriez cela. كيف أنت الصائم وتأكل لحم أخيك؟ عجيب. Comment tu peux être sa'il? Tu dis je jeûne alors que tu manges la chair de ton frère mort. Bil-riba. Certains savants ont mentionné, Ibn Mufassirin, ont mentionné par rapport à ce verset que c'est le châtiment qui attend ceux qui ont fait la médisance yom al-qiyama, de manger du cadavre. Or, la médisance est une chose qui est propagée facilement dans la Ummah. Wali'a'udhu billah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a fait le voyage nocturne, il a vu des gens, on leur coupait avec des ciseaux. Là, tout ça, jusqu'ici. On leur coupait du bout des lèvres, les deux extrémités des lèvres, jusqu'aux oreilles. Avec des ciseaux. Ils étaient vivants. Ils souffraient. Et ça se remettait et recommençait. Et ça se remettait et recommençait. Le prophète, lorsqu'il était avec Jibril, lui a dit, « Mahada, C'est qui cela? Men haoulaï. Il a dit, ceux-là, ce sont ceux qui ont médit dans cette dunya. Ça, c'est le châtiment qui attend aussi. Donc, le jeûneur doit s'éloigner de cette chose-là. Comment peut-il jeûner et ensuite manger la chair de son frère mort? Wal-namima. Al-namima, c'est le fait de vouloir diviser deux groupes ou deux personnes. Tu vas voir un, et tu parles, tu lui montes la tête jusqu'à ce qu'il déteste l'autre personne. Ou tu vas voir un groupe jusqu'à ce qu'il déteste l'autre groupe. Al-Namima. قول العلماء تفعل النميمة في يوم ما يفعل السحر في سنة. النميمة elle fait en un jour ce que la sorcellerie fait en un an. الساحر مشرك كل ساحر مشرك بلا شك لا يمكن أن الساحر يخدم مع الشياطين بدون شرك بالله عز وجل. Un sorcier est forcément mouchrik. Car pour travailler avec shayatin, il est obligé de faire du shirk billahi عز وجل. On en a déjà parlé dans les cours d'avant. Mais seulement ça prend quelquefois du temps. Il a des choses à mettre en place, il a des sacrifices à faire, il doit demander des choses aux gens qui lui ramènent, il faut qu'il donne son sacrifice aux shayatin, etc., etc., etc. Et sachez que le sahir n'est qu'un, comme un pont entre shayatin et les gens faibles qui vont voir les sorciers. Qui vont voir ce sorcier. Qatalahum Allah. Wa la'natullah alayhim. Li shirkihim wa sharrihim. Qu'Allah maudisse les sorciers pour le mal qu'ils font dans cette ummah, car ils sont la base du shirk dans cette communauté. Hum mushrikoun bila shik. Ce que la sorcellerie fait en un an, tu peux faire plus de dégâts toi en un jour, même en une seconde. An-namima. Le fait de diviser les gens entre eux. Allahu azza wa jalla, wala tafarraqu. Ne vous divisez pas. واعتصموا بحبل الله جميعا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. Accrochez-vous tous à l'anse d'Allah, au Coran et à la Sunna, la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, et ne vous divisez pas. Ne vous divisez pas par le shirk, ne vous divisez pas par le bid'ah, les innovations. Ne vous divisez pas bil kadhib wal namima wal ghish wal ishar kulli. Ne vous divisez pas quel que soit le mal. Chaque division dans la Ummah, que ce soit, et celle-là c'est la pire, entre un savant et la Ummah, pour revenir à la médisance. قول ابن عباس رضي الله عنهما لحم العلماء مسمومة. La chair des savants est empoisonnée. Tu médis sur les savants, leur chair est empoisonnée. Leur chair à eux n'est pas comme la chair entre les musulmans. Tu fais la médisance sur un musulman, les gens vont s'éloigner de lui. Khlas, il est qu'un musulman parmi les autres, malgré que c'est très grave. Mais comparé aux savants, ce problème-là, il est moindre. Enlever un savant et écarter une communauté de son savant, alors là, c'est beaucoup de choses, beaucoup de mal qui vont tomber sur cette umma. Comme il disait un chir, on en parlait tout à l'heure, s'il y a bien quelqu'un qui fait pleurer Iblis à notre époque, ce sont les ulama. إِنَّمَا يَخْشَ اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءِ. Ceux qui craignent le plus Allah subhanahu wa ta'ala, ce sont les ulama, les savants, min ahl sunnah, les savants de la sunnah. Ce sont eux qui luttent contre le shirk, contre le kufr, d'une manière permanente, ça ne s'arrête pas. Ils étudient, ils combattent le shirk et le kufr. Ils étudient, ils combattent le shirk et le kufr, ça ne s'arrête pas. Toi, bin namima, en divisant les gens comme ça, chaque division qui est faite dans cette communauté, que ce soit un homme avec sa femme, que ce soit des parents avec leurs enfants, que ce soit la famille entre elles, que ce soit avec des savants, que ce soit une mosquée avec son imam, quelle que soit la division, elle est un bonheur pour celui qui est contre l'islam. Cette fameuse phrase que l'on connaît, divisée pour mûrir, ma'ruf, mais elle est une vérité. Quand quelqu'un dit une vérité, même s'il n'est pas musulman, à partir du moment où sa vérité elle est conforme au Coran et à la Sunna, on accepte cette vérité. On ne l'accepte pas dans le cas où elle contredit le Coran et la Sunna. Mais c'est une vérité. Chaque division dans cette umma est un bonheur pour celui qui n'aime pas l'islam. Awalan, Iblis, Shaytan, Subhanallah, Al-Namima. قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يدخل الجنة نمام متفق عليه في الحديث الصحيح رواه البخاري ومسلم celui qui fait namima ne rentre pas au paradis. C'est clair. C'est une parole simple du prophète sallam. Le prophète sallam ne ment pas, elle est toute simple et elle est claire. Tu fais namima, la tadkhul fi al-jannah. Tu ne rentres pas au paradis. Voilà une cause qui t'empêche de rentrer au paradis. Parmi les comportements obligatoires et les choses dont tu dois t'éloigner, que le jeûneur doit s'éloigner, al-rish fi jami'i al-mu'amalat, la triche dans tout ce qui est les relations sociales entre les gens, que ce soit le commerce, que ce soit le travail, que ce soit les déclarations, tout. Quand je dis déclaration, c'est spécialement ici. Les déclarations RMI, les déclarations chômage, les déclarations ilakhir. Al-Rish. Qala an-Nabi alayhi salatu wa salam, man ghashana falaysa minna. Wa qala wa man ghasha falaysa minni. Iza qala an-Nabi alayhi salatu wa salam falaysa minni ou falaysa minna, hada dalil ala anna hadhi al-mahsiya min al-kabair. من الكبائر الغش من الكبائر بلا شك. Si le prophète صلى الله عليه وسلم dit celui qui triche n'est pas des nôtres ou celui qui triche ne fait pas partie des miens, cela prouve que lorsque le prophète صلى الله عليه وسلم utilise cette formule en disant ne fait pas partie des nôtres, il est rejeté. Nous on est là, lui il est là-bas. Ça prouve que la chose elle fait partie des grands péchés. من الكبائر, elle fait partie des grands péchés. Comment tu peux jeûner et tricher avec les gens? Tu vends quelque chose, tu dis même pas tous les défauts qu'elle a, la chose. Ou tu escroques les gens. Tu leur prends l'argent et tu leur donnes même pas leur dû. Ou bien tu as des dettes et tu ne les rembourses pas alors que tu as de l'argent. Tu dis oui, plus tard, je te rembourse. Et toi, de ton côté, t'achètes. Subhanallah. Elle riche. La tricherie est donc interdite sous toutes ses formes, quelles qu'elles sont. L'une des choses qui est extrêmement répandue et dont le musulman doit s'écarter, والحمد لله في الأدلة كثيرة في الكتاب وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم وفي أثار السلف الأمة رضي الله تعالى عنهم الغينة الموسيقى la musique et les chants. Pour celui qui n'a jamais reçu des preuves là-dessus, on va ramener un verset du Coran, يقول الله عز وجل في سورة لقمان le verset 6. ومن الناس, il y a parmi les gens من يشتري لهو الحديث, qui par de plaisants discours, on va voir c'est quoi ces plaisants discours, ليضل عن سبيل الله بغير علم, qui par de plaisants discours font quoi, éloigne, ليضل عن سبيل الله, égare et éloigne du chemin d'Allah sans science, بغير علم, ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين, et cela auront un très dur châtiment. Cela auront un très dur châtiment. Certains n'ont pas compris qu'est-ce qu'Allah Azza wa Jalla a voulu dire, l'ahwa al-hadith, de plaisant discours. Abdullah ibn Mas'ud, su'ila an hadhi al-aya, faqala, wallahi alladhi la ilaha ghayruh, huwa al-ghina, al-ghina. Il a dit, je jure par Allah, celui qui n'y a nul digne d'être adoré en dehors de lui, que c'est bien la musique. Les chansons. وقال أيضا عبد الله بن عباس وابن عمر وذكره ابن كثير عن جابر وعكرمة ومجاهد في الحقيقة يكفي avec tous les noms que l'on vient de donner en vérité c'est largement suffisant mais on les donne quand même والحسن يعني من هو الحسن كم زاد الحسن في كي حسن البصري رحمه الله من التابعين من كبار علماء في زمنه Il a juré que ce verset était descendu pour la chanson, pour les chants et la musique. Celui qui n'est toujours pas convaincu, le hadith du Nabi sallallahu alayhi wa sallam, viendra des gens de ma communauté, yastihilluna, qui rendront quoi? Qui rendront halal, al-istihlal. Al-istihlal, c'est le fait de rendre la chose halal. Qui rend les choses halal? Allah. Allah subhanahu wa ta'ala. Allah azza wa jal. Qui rend les choses haram? Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'y a pas une chose qu'Allah a rendu haram sans qu'il y ait un bien, est-ce que tu ne l'approches pas cette chose-là? Seul Allah tabaraka wa ta'ala rend les choses halal, seul Allah azza wa jal décide ce qui est haram. Personne d'autre. Mais le prophète Zahm a dit, viendra dans ma communauté vers la fin des temps où les gens rendront halal l'alcool, wa zina, la fornication, wa rina, et la musique. Les chants et la musique. Si le prophète sallam il te dit qu'il va rendre ça halal, ça veut dire que c'est quoi à la base? Haram. Subhanallah. La chose qui est permise, l'anachid. L'anachid met à certaines conditions et sans instrument. Le seul instrument qui est permis, c'est Deux. C'est le seul. Un espèce de tambour. L'anachid, l'innisa, fil walima, au fil aqiqa, dans les mariages, ou quand il y a une naissance, ou quand c'est l'Aïd, ou des choses comme ça, à condition que personne ne les entende. Certains savants l'ont permis pour les hommes, quand il s'agit par exemple de s'encourager, ou des choses comme ça. Mais ce que l'on entend et ce que l'on voit là maintenant, cela est certes interdit auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Certains et beaucoup écoutent plus l'anachit que le Coran. Tu parles avec des gens où ce sont surtout les sœurs qui sont touchées par ça, les chants religieux, les formes de chants religieux qui circulent maintenant, avec des instruments, avec l'homme qui chante même avec la femme, ou la femme elle chante d'abord et l'homme il chante. Allah Musta'an. Allah il ajib. Ça, ce genre de choses-là, les gens écoutent plus ça que le Coran. Même plus loin, leurs cœurs sont plus touchés par ça que kalam Allah Azza wa Jal. Wa kalam al-Nabi alayhi salatu wa salam. Taqara al-Quran alayhi, ma fi shay fi qalbihi. Il n'y a rien dans son cœur. Son cœur ne bouge pas. Bien sûr, il accepte cette parole. Ou un muslim, subhanallah. Mais le cœur ne bouge pas. Mais si tu seras l'anachi islami avec la batterie, tout ce qui s'ensuit là, le cœur, il commence à frémir, il a des frissons, il commence à... Il retrouve son énergie. Batil. Comme a dit l'Islam ibn Taymiyyah, rahimallah, al-ghina, tariqatu, zina, wal-qitl. La chanson et la musique sont un chemin qui mène à la fornication et au meurtre. Il y a des chansons que les gens écoutent, tout de suite ils pensent à qui? Ils pensent à une femme, qu'il a connue ou qu'il connaît. Les musiques douces. D'autres écoutent la musique, ils se chauffent tout seul. Il marche, il croit qu'il est invincible. Subhanallah. Il marche, il croit qu'il est invincible. Tu le vois marcher dans l'eau, tu dis, qu'est-ce qu'il a? Subhanallah. Il y a une fracture, et qu'est-ce qu'il a? Non, c'est le Walkman qui a le MP3 qui est dans les oreilles, il est en train de chauffer tout seul. Ça y est, il croit qu'il peut démonter n'importe qui, n'importe quand. Allah, subhanallah. Je suis étonné, il joue avec lui. Hada al-Batil, c'est que le Atifa, ça ce ne sont que des sentiments passagers qui viennent et qui repartent. Il n'y a rien d'ancré dans le cœur. Ce n'est pas comme l'Aqida tout sahiha. L'Aqida qui est ancrée dans le cœur du croyant. Comme un arbre avec de longues racines, quelle que soit la chose qui arrive, il tient debout. Il tient sa religion, il ne la lâche pas. Où qu'il soit, quoi qu'il fasse. Ou al-Muwahhid, celui qui a accroché le Tawhid, à la ilaha illallah. Il a tout remis à Allah subhanahu wa ta'ala. Parmi une histoire que l'on raconte, pour montrer quelques exemples, un des mouahidines, comme par exemple Ibrahim alayhi salat wa salam, lorsque le roi dit, cet homme-là, tuez-le. C'est tout un état, tout un pays qui en veut à Ibrahim. Qui décide quoi? Tuez-le. Tuez-le ou brûlez-le. Subhanallah. Imagine-toi, à la place d'Ibrahim alayhi salat wa salam, tout un pays entier, il a déclaré, voilà. Tout le pays a déclaré qu'il veut te tuer. Comment tu vas être dans ton cœur? Tu vas être comme ça. Tu vas trembler comme tu n'as jamais tremblé. Tu te dis, mais subhanallah, oh là là, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'ils vont me faire? Tu vas paniquer. Ibrahim alayhi salat wa salam, il a paniqué. Ou un mouahid. Il sait c'est quoi tawhid. Il sait que ces gens-là, ils ne peuvent rien lui faire tant qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne l'a rien décrété. Ils l'ont mis dans le feu. Waja'a Jibril alayhi salat wa salam. Jibril est venu. Il est connu que Jibril, lorsqu'il dévaste une terre, il la met sous son aile, il la soulève. Chose facile. Si on connaît la valeur de Jibril et sa grandeur, ne croyez pas comme on vous montre, comme on montre aussi à nos enfants, comme on nous a montré quand on était petit, le petit dessin animé avec un petit ange et un petit chépin. Ça, c'est du battle. La taille d'un ange, c'est loin d'imaginer ce qu'elle fait. Jibril, alayhi salatu wa salam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a vu une fois, il tourna à droite, il voyait Jibril, il tourna à gauche, il voyait encore Jibril. Pour montrer là, la grandeur. Et la grandeur des créatures te montre la grandeur du Créateur. Subhanahu wa ta'ala. Il est venu à Ibrahim, il lui a dit, est-ce que tu veux de l'aide? Il a dit, ton aide à toi, j'en ai pas besoin. Mais l'aide d'Allah, oui. Mouahid. Et si toi tu m'aides, il va falloir que tu demandes la permission à Allah subhanahu wa ta'ala pour m'aider. Alors pourquoi je te demanderai à toi? Autant que je te demande directement. Allah azza wa jal. Subhanallah. Ah ben voilà. Pourquoi tu m'as demandé au plus fort? Lui, il ne peut t'aider que par la permission d'Allah. Alors pourquoi tu ne demandes pas directement à Allah, Azza wa Jal? Ana wa tawhid. C'est ça le tawhid, les fruits du tawhid. Quand les gens ils nous disent oui, tawhid, tawhid, tawhid, c'est bon. C'est bon, subhanallah. La tawhid bidouni tawhid. La tawhid bain al-muslimin bidouni tawhid illahi Azza wa Jal fi qulubi al-muslimin. Il n'y aura pas d'unité entre les musulmans tant que tous les musulmans ne seront pas unis sur cette seule parole, la ilaha illallah. في أمتنا في الحضوريون والشرك بالله ويدعون الأموات والذبح للأموات والسحير وكذا وكذا سبحان الله العظيم. Parmi les histoires qui sont racontées aussi, il y avait un homme qui était comme ça dans un marché et le roi est arrivé avec quand roi, vous savez qu'un roi ne se déplace pas tout seul. Quand il se déplace, c'est les gardes du corps, les soldats, l'armée, kada ou kada ou kada. Quand il est arrivé, il y a un soldat qui est arrivé qui lui a dit, toi pousse-toi ou je te tue. L'homme il a regardé comme ça, et le roi il lui a dit, attends, laisse-le. Et l'homme il a rigolé. Yathak. Le soldat subhanallah était étonné que cet homme-là il rigole. Et le roi encore plus étonné. Le roi lui a dit, mais pourquoi tu rigoles? Pourquoi tu ris? Pourquoi est-ce que tu rigoles? Vite le temps, Sahara. De toute façon, on a rien d'autre à faire. Il a dit, pourquoi tu rigoles? Cet homme-là, il a rigolé encore. Il a dit, toi le soldat, tu crois que tu es en mesure et que tu as les pleins pouvoirs de me précipiter ma mort. Toi le roi, en disant stop à ton soldat, tu crois que tu as le pouvoir de me reculer ma mort. Wallahi, seul Allah subhanahu wa ta'ala peut m'avancer ma mort ou me la reculer. Et vous ne ferez rien sans la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Choupe le mouahid. Imagine-toi à sa place. Le soldat, il va pour te tuer comme ça. Tu vas avoir le khawf fil qalb. Non, lui, il est reposé. Il sait que tout ce qui va devenir ne vient que d'Allah Azza wa Jal. Quelle que soit l'épreuve, quelle que soit la chose qui vient, ça m'est arrivé. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Il y a une sagesse là-dedans, je ne la connais pas. Mais certes, mon Seigneur, il la connaît. Alors, yashkur Allah Azza wa Jal. هذا هو التوحيد في قلوب الموحدين. Et le vrai mouahid, son cœur il bouge quand il entend kalam Allah wa kalam al-Rasul alayhi salat wa salam. C'est là que son cœur il frémit, son cœur il bouge. Et non pas, hein, comme la majorité des gens qui entendent ou bien la musique et leur cœur se met à frémir et le Coran ne fait aucun effet sur eux, ou bien d'autres par certaines vidéos ou des choses comme ça. Hein, ou des histoires. Quand tu lui racontes des histoires, il est comme Mashallah, Ajib. Quand tu lui racontes l'histoire des prophètes, il n'y a rien. Tu dis, ah, Mashallah. Là. Al-Quran ou Kalam Allah, Azza wa Jal. Toutes les histoires que l'on raconte, c'est Kalam al-Nas. Kalam al-Makhlouq. Harfun min kitabillah, afdalu min Kalam al-Nas min Adam, hatta yom al-Qiyamah. Une lettre du livre d'Allah. Une lettre. Du livre d'Allah est meilleur que toute la parole de toutes ces créatures réunies depuis le début jusqu'à la fin de la création. Donc voilà beaucoup de comportements qui sont obligatoires que le jeûneur doit s'écarter. Parmi les comportements surérogatoires, il y a as-suhur, le repas que l'on prend juste avant le fajr, qui n'est pas obligatoire, mais qui est fortement recommandé. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, فَإِنَّ فِي السُّحُورِ baraka. Il y a le baraka. Allah Azza wa Jal descend le baraka dans ce repas que l'on prend juste avant le fajr. Hein? Tu vas couper ton jeûne le maghrib et tu te dois de te lever le matin, ce qui est beaucoup plus préférable pour toi, car celui qui ne le fait pas loupe beaucoup de choses. Premièrement, il loupe la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la récompense de cette sunna. Il loupe la baraka, puisque le prophète a dit, il y a le baraka. Il loupe le fait de yukhalifu al-yahud fi siyam. Pourquoi? Parce que nous sommes seuls les musulmans à avoir ce repas qui est avant le jeûne. Seul Allah Azza wa Jal nous l'a légiféré aux musulmans, à la communauté de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Les autres communautés ne l'ont pas, ce repas avant de jeûner. Il loupe ça. Wa du'a al-malaika. Ainsi que les du'as des anges pour toi. Parce que les anges prient pour celui qui prend ce repas, ce sahur du matin. Donc, tu te dois de prendre ce repas. Bien sûr, tu prends ce que tu veux. Sachant que, Nikhodi Nabi Zawasallam, Ni'ma sahur al-mu'min al-tamar. Le mieux, ce sont quoi? Ce sont les dates. Bien sûr, tu prends ce que tu veux, tu manges ce que tu veux. Celui qui veut manger salé, il mange salé. Celui qui veut manger sucré, il mange sucré. Chacun fait comme il le veut. Parmi les bons comportements, c'est de retarder le suhoor jusqu'à le fajr. Au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'y avait pas ce qu'on appelle aujourd'hui l'imsak. L'imsak, fi sharia, il n'existe pas. Il est vrai que certains sahaba ont arrêté avant, mais ils l'ont fait d'eux-mêmes. Mais ce n'est pas dans la charia. ça ne fait pas partie de la sunna. Et le prophète lui-même a demandé jusqu'à ce que tu le fasses jusqu'à l'adhan. Adhan al-Fajr. Aujourd'hui, ou bien tu es convaincu que tel calendrier, il est bon, alors tu as pris le calendrier, tu l'as pris, tu l'es là, et tu considères qu'il est bon. Si il y a tellement de calendriers que tu ne sais plus vous donner de la tête, tu prends le fatwa de Cheikh Ibn al-Athaymeen, rahimahullah, qui est très simple. Pour le matin, prends le calendrier le plus tôt, comme ça tu es sûr. Tu ne vas pas manger avant, tu ne vas pas manger après l'heure. Pour le maghrib, prends celui-là le plus tard, comme ça tu es sûr que tu es dedans. Ça, c'est pour celui-là qui a le doute. Maintenant, quelqu'un il est convaincu que l'heure c'est ça, hein. Alhamdulillah. Il prend, il suit les horaires qu'il a. À coup de hal, rien ne vaut la mosquée. Hein. Il y a le muaddin. Et le muaddin se doit de connaître les horaires de prière. Mais tu coupes le jeûne au moment où il dit Allahu Akbar dans l'adhan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Là, tu peux rompre ton jeûne. Pour le matin, tu peux manger jusqu'à ce qu'ils disent Allahu Akbar, Allahu Akbar. À partir de là, tu t'arrêtes. Si tu as quelque chose dans la bouche, tu finis. Et tu te dois de reculer le suhoor jusqu'à même que tu sois certain que c'est le fajr. Il faut que tu sois certain que le fajr il est rentré. Mais il sait que l'on trouve dans les calendriers ou tout ça, cela n'a aucune source dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui dit qu'il y a une source, qu'il ramène les preuves, mais il n'y en aura pas. Ainsi que ad-du'a, de faire les du'a lors de la rupture de jeûne, et sache que les du'a au moment de la rupture du jeûne sont exaucés auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parmi les bons comportements qui sont recommandés pour le jeûneur, il y a le dhikr, le du'a, le salat, le sadaqa. Le prophète Hassan, il est mentionné que pendant le mois de Ramadan, il était plus généreux encore. Hein, on dit plus généreux que le vent, comme elle a dit Aïcha radiallahu anha. C'est un mois où tu dois faire beaucoup de sadaqat. Et sache que, comme il disait Charles Fawzan, hafidhahullah, une prière surérogatoire pendant le mois de Ramadan a la récompense d'une prière obligatoire. Et la prière obligatoire pendant le mois de Ramadan a la récompense de 27 fois. 27 fois cette prière. Donc c'est un mois où Allah azzawajal a fait que les œuvres et les hasanettes sont multipliés. Quant au jeûne lui-même, il a une récompense qui n'a aucune limite, étant donné que c'est de la patience, et que pour la patience sabr, Allah azzawajal a promis une récompense sans compter. Comme le hadith du Nabi sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a demandé le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui aujourd'hui a jeûné, qala Abu Bakr ana. Abu Bakr a répondu moi. Puis il a demandé qui a participé à l'janaza, hein, à une prière mortuaire et s'est enterré le mort. Aujourd'hui, qala Abu Bakr ana. Il a dit moi. Encore lui. Qui a nourri un pauvre aujourd'hui? Il a dit moi. Et il a demandé qui a visité un malade aujourd'hui? Abu Bakr a répondu moi. Et le prophète m'a dit celui qui regroupe tout ça, il rentre au paradis. Celui qui regroupe ces choses-là, il rentre au paradis. Et on voit bien la piété de Abu Bakr Sadir, c'est que dans une journée, il faisait beaucoup de ibadat. Une très bonne parole de Cheikh Ibn al-Athaymeen, rahimahullah, Wallahi, elle est toute simple, mais elle peut t'éduquer fi hayatik. C'est œuvre et ne te retourne pas. Subhanallah. Œuvre. Fais les bonnes actions. Les péchés, tu vas en faire. Ne te retourne pas. Ne regarde pas derrière toi. Avance. Avance. Fais l'amal au salah, au sadaqat, au siyam, au tadbil ayn, au qiraat al Qur'an, au siyam. Fais tout ce que tu peux faire dans ta vie, comme bonnes actions. Et ne te retourne pas. Ça ne sert à rien. Pourquoi? Parce que les jours, ils passent. Le temps, il passe. Précipite-toi aux bonnes actions. Tu n'as qu'une vie. Tu ne sais pas quand est-ce qu'elle s'arrête. Alors fais. Mais ne te retourne pas. Ne regarde pas derrière toi. Sinon, tu vas reculer. T'as fait des fautes, laisse. T'as fait tawba, tu t'es repenti, tu verras yawm al-qiyamah si c'est pardonné ou pas. Et l'une des choses qui va faire que ce sera pardonné, inshallah, c'est de multiplier les bonnes actions. Tombe pas dans les pièges de shaitan qui va te faire regarder en arrière, reculer. Il va te faire regretter. Au point où tu vas te dire, subhanallah, avec les péchés que j'ai fait, ça sert à quoi que je fasse tout ça? Mais comme Chéri le dit si bien, c'est pour ça, écoutez bien vos savants. Depuis quand un péché est-il une condition pour délaisser une ibada? Ajib. Depuis quand un péché, une marsiya, depuis quand c'est une condition qui fait qu'on ne peut plus faire l'ibadah. Hada min shaytan. Bila shak. Alors que le prophète lui-même te dit, la bonne action efface la mauvaise. Alors fais œuvre. Tu vas glisser, quelquefois tu vas tomber, quelquefois tu vas chuter, quelquefois des gens ils vont te tirer comme ça derrière. Avance et ne te retourne surtout pas. Hadi al-kalima tayyiba mufida lil-muslim. عند الشيخ ابن العثيمين رحمه الله من كبار العلماء رحمة الله عليه. Donc voilà certains comportements, et on s'arrêtera là inshallah pour le premier cours. Inshallah on reprendra dans 20 minutes inshallah. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت واستغفرك واتوب اليك والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين تبارك الله فيكم.